François Morel. Aujourd'hui, je voulais faire une chronique un peu spéciale, une becbédrie, c'est-à-dire une chronique écrite à la main le matin même sur le chemin qui va de chez moi jusqu'à la maison de la radio. Une chronique automnale, une chronique de novembre rédigée sur la ligne C du RER. Mais ce matin, on m'indique RERC, un corps sur la voie a été découvert entre Porte de Clichy et Pereire. La circulation est interrompue entre Pereire et Pontoise jusqu'à 11h. J'ai donc pris un taxi et c'est une chronique en direct du taxi. J'aurais tant à dire, tant à écrire, mais c'est une chronique pour rien. Pour dire qu'on est en vie, comme jadis on écrivait des lettres à ses proches pour le maintien de la relation. Un jeune poète, à la fin du mois d'octobre, vient d'avoir 101 ans. Il s'appelle René de Obaldia. Il va quelquefois à la brasserie chez Mollard, face à la gare Saint-Lazare. Il commande des huîtres et du vin blanc. Parfois, par hasard, une vieille dame le reconnaît et dit à son petit-fils « Regarde le monsieur là-bas, c'est un poète. » Il s'appelle René de Obaldia. Il a écrit « Le jet gélatineux génié dans le jasmin. » Voici mes enfants sans en avoir l'air. Le plus beau vers de la langue française. Et E et un. Le jet gélatineux, génié dans le jasmin. Le poète aurait pu dire tout à son aise, le jet volumineux picorait des pois fins. Bien non, le poète, qui est du génie jusque dans son délire, d'une main moite a écrit, c'était l'heure divine où sous le ciel gamin, le jet gélatineux, génié dans le jasmin. Aujourd'hui, c'est une chronique pour rien, une chronique comme ça. Dans mon sac, j'ai le dernier livre de Jonathan Coe. Je vais essayer de le finir assez vite pour le prêter à Antoine. Je suis sûr que ça va beaucoup lui plaire. Aujourd'hui, c'est une chronique à la va comme je te pousse, une chronique la tête en l'air. C'est amusant d'écrire à la main. Ça ne m'arrive plus si souvent. Je passe trop de temps devant les écrans. Finalement, on n'est même pas obligé de posséder un ordinateur pour écrire. C'est une chronique pour rien, c'est 3 minutes, le temps sur une ligne de métro, d'aller d'une station à une autre. Aujourd'hui, j'aurais pu écrire autre chose. J'aurais pu attiser les haines, les polémiques, les énervements, les violences sur les réseaux sociaux. Celle-ci ne se remarquera même pas. Elle parlait d'un poète et d'un livre, Le cœur de l'Angleterre, qu'on aura plaisir à ouvrir à nouveau dès que ce sera possible. Un jour prochain, peut-être, sans doute, on parlera d'autres sujets, plus lourds. J'avais une chronique de l'autre côté de la page, je la dirai un autre jour ou jamais, le voile ou la pédophilie ou le lynchage médiatique, ce ne sont pas les sanglots qui manquent. J'arrive presque à destination, bonne journée les amis, bon vendredi. En octobre prochain, un poète de 102 ans ira fêter son anniversaire à la brasserie Mollard face à la gare Saint-Lazare. « Regarde Timothée, » dira la grand-mère à son petit-fils. « Le vieux monsieur souriant est très chic, qui se resserre un verre de Sancerre, c'est un poète. C'est lui qui a écrit peut-être le plus beau vers de la langue française, le jet gélatineux, génié dans le jasmin. » Un grand merci, François Morel.